Doit-elle alarmer le pays? Je ne suis pourtant pas sévère, et ce n'est pas me faire affront que les hommes choquent le verre et que les filles dansent en rond. Je suis la Britaine. Un si beau garçon qu'on peut sans façon me mettre en chanson. Je suis la Britaine. La Paris-Dondelle, Dondon, la Paris-Dondelle, la Paris-Dondon. Je suis la Britaine. La Paris-Dondelle, Dondon, la Paris-Dondelle, la Paris-Dondon. Que je racole, j'accorde toujours leur pardon. Et tant avant tout de l'école, du joyeux curé de Meudon. Me faire aimer, voilà ma gloire. Et quand j'aurai sauté le pas, ce sera bénir ma mémoire que fredonner encore tout bas. Un si bon garçon qu'on peut sans façon le mettre en chanson. C'était la Britaine. La Paris-Dondelle, Dondon, la Paris-Dondelle, la Paris-Dondon. C'était la Britaine. Je ne suis pas encore mort. La Paris-Dondelle, Dondon, la Paris-Dondelle, la Paris-Dondon. Pour faire un brave mousquetaire, il faut avoir l'esprit joyeux. bon cœur et mauvais caractère, faut bien battre et boire encore mieux. Pour faire toute folle ivresse, où se perdrait notre raison. Quand on change de garnison, il sied de changer de maîtresse. Oui, la vie, c'est bien là, se conduire en vrai mousquetaire. À nous les folles nuits d'ivresse, vin généreux, cœur sans façon, à nous plaisir noir. Songeur et solitaire, montrant tout à son noir souci, garde avec des airs de mystère des façons d'amour transi. Contre ce mal qui l'importune, je lutte en vain et je le vois, qui rêve tandis que je bois, rime de sonner à la lune. Sans façon, à nous plaisir, gloire et maîtresse, vive l'amour, vive l'amour et les chansons. Explique-toi quel est ce mystère, jamais mousquetaire ne fut tel que toi. Par explique-toi quel est ce mystère de ta vie austère, dis-le pourquoi. Non, non, laissez-moi, il est un mystère, mais je dois le taire, tout m'en fait la loi. Triste et solitaire. Son âme, c'est à nous de le découvrir. Je vous l'ai dit, c'est une femme dont la rigueur le fait mourir. Une femme, une femme, une femme, et oui, c'est probable, son trouble même est à la vue. Dans une aventure semblable, toujours une femme est en jeu. Eh bien, tu ne dis rien. Eh bien, j'en conviens, c'est une femme. C'est une femme. Une femme. Une femme. Une toute petite femme. Une femme. Une femme. Une femme. Une femme. Et par Dieu, oui, c'est une femme. Amoureux. Amoureux. Amoureux. Amoureux. Amoureux de toute mon âme. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Et si le ciel trahit ma flamme. À grand Dieu. À grand Dieu. À grand Dieu. À grand Dieu. Cette belle, une infidèle, une cruelle, sans cœur ni foi, elle te berne et te gouverne. Oh, te lanterne, explique-toi. Une bourgeoise, quelque sournoise, qui t'apprivoise par un chant de toi. Oui, l'on te berne, explique-toi. Une comtesse, une comtesse, une duchesse, une duchesse, une princesse, une princesse, une drôlesse, une drôlesse. Et là, que faites vous dire là? Que venez-vous de dire là? Une femme! Une femme! Une femme! Une femme! Et parbleu, oui, c'est une femme! Amoureux! Amoureux! Amoureux! Amoureux! Amoureux de toute mon âme! C'est affreux! C'est affreux! C'est affreux! C'est affreux! Et si le ciel trahit ma flamme? À grand Dieu! À grand Dieu! À grand Dieu! À grand Dieu! Qui sais-je? Savoir ce que font mes gredins. Qu'avez-vous dans la baie? Comptez-nous vos chagrins. Moi, rien, moi, rien, moi, rien, moi, rien. Laissons la baie soupirer en silence et que la fête recommence. Et que la fête recommence. Dans le village, on dansera gaiement sous le grand chêne. Nous sera dans la futaille pleine. Ah, la fleur dansera par la neige. Ah, tiens, tapez pour qui s'en lassera. Ah, tiens, tapez pour qui s'en lassera. Ah, tiens, tapez pour qui s'en lassera. On aura pour tous la fête, même qui t'es

Furieuse, ah vraiment, c'est injuré cruel. Je sais bien qu'on m'appelle le furet du couvent, mais c'est mal me connaître, car souvent, sans paraître, si j'entends, si je vois, c'est toujours malgré moi. J'en conviens, la première, je sais tout ce qu'on fait, même avant la tourbière, je découvre un secret. J'ai l'oreille si fine que de loin ou de près, sans me mettre aux aguets, j'apprends tous les caquets. Et ce qui me taquine, c'est que dans bien des cas, lorsque je n'entends pas, à coup sûr je devine. Et voilà cependant ce qui fait qu'on m'accuse. Vous voyez maintenant à quel point l'on s'abuse, à quel point l'on s'abuse. Vraiment, c'est un juré cruel. Je sais bien qu'on m'appelle le furet du couvent, mais c'est mal me connaître, car souvent sans paraître. Si j'entends, si je vois, c'est toujours malgré moi. Qui donc a pu m'apprendre que Sœur Félicité a le cœur le plus tendre de la communauté? Que Sœur Saint-Aldégonde, qui dort et ne fait rien, autrefois vivait blonde, ne dormait pas si bien. Que sans être coquette dans son humble toilette, Sœur Alice en cachette sourit à son miroir. Et que la Sœur Annette, seule dans sa chambrette, cache de la nisette au fond de son tiroir. Curieuse, ah vraiment, c'est un juré cruel. Je sais bien qu'on m'appelle le furet du couvent, mais c'est mal me connaître, car souvent sans paraître. Si j'entends, si je vois, c'est toujours malgré moi. Si j'entends, si je vois, c'est toujours malgré moi. Si j'entends, si je vois, c'est toujours malgré moi. Possible. Mais là, faut-elle au bord de ça. qu'avec elle buffet, tout était vraiment parfait. J'en demeurais stupéfait et je m'attardais devant ce joli festin, rêvant que j'étais moine fervent, que j'étais moine fervent, l'aumônier de ce couvent, l'aumônier de ce couvent. La chair qu'on m'a donnée, voici le menu merveilleux. C'est une truite saumonée avec un marsal très vieux, puis un chambonneau de Mayence escorté de quatre perdrix que je baptise en conscience d'un fabordeau du plus haut prix, d'un fabordeau du plus haut prix. Après le chapon de la braise et pour finir vin le homard, je les arrose avec largesse de chambertin et de pommage. Je les arrose avec largesse de chambertin et de pommage. Car j'ai vu troupes respectables, j'ai vu dans leurs flacons ventrus, j'ai vu défiler sur la table les meilleurs vins des meilleurs crus. Pas de Sicile et pas d'Espagne, jusqu'à Bordeaux, pas qu'on champagne. Pas de Sicile et pas d'Espagne, jusqu'à Bordeaux, pas qu'on champagne. Devant ce joli festin, rêvant que j'étais moine fervent, que j'étais moine fervent, l'aumônier de ce couvent. L'amour n'est pas, quoi qu'on en dise, un sentiment blâmable en soi. Il va de pair, nous dit l'Église, avec l'espérance et la foi. Les pères, après les apôtres, sont d'accord sur le premier point, que la morale nous enjoint de nous aimer les uns les autres. Aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous donc, tel est mon prêche qui ne me pêche. Aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous donc, de Cupidon, vive la flèche. Aimons-nous, aimons-nous donc, tel est mon prêche qui ne me pêche. Aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous donc, vive la flèche. L'amour qu'on vous peint, effroyable, n'a rien qui vous doive effrayer. Ce petit Dieu n'est qu'un bon diable qu'on ne peut pas calomnier. Et loin de maudire les chaînes, me conformant au livre saint, moi si j'aime tous mes prochains, j'aime aussi toutes mes prochaines. Aimons-nous, aimons-nous donc, tel est mon prêche qui ne me pêche. Aimons-nous, aimons-nous donc, de Cupidon, vive la flèche. Aimons-nous, aimons-nous donc, tel est mon prêche qui ne me pêche. Aimons-nous donc, aimons-nous donc, de Cupidon, vive la flèche. Pitoyable, les pères crient aussi. les perruques rimes. Prenons l'échelle, prenons l'échelle, prenons l'échelle.